Nuit rhénane. Mon verre est plein d'un vin trembleur comme une flamme. Écoutez la chanson lente d'un batelier qui raconte avoir vu, sous la lune, sept femmes tordre leurs cheveux verts et longs jusqu'à leurs pieds. Debout, chantez plus haut, en dansant une ronde, que je n'entende plus le chant du batelier, et mettez près de moi toutes les filles blondes au regard immobile, aux nattes repliées. Le Rhin est ivre où les vignes se mirent. Tout l'or des nuits tombe en tremblant s'y refléter. La voix chante toujours, à en ras le mourir, ces fées aux cheveux verts qui incantent l'été. Mon verre s'est brisé, comme un éclat de rire.